Killa Cillion, le défi. Conte de Noël contemporain. Lu par Sabine pour audiocité.net. Sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, près des montagnes bleues, vivait un peuple mythique. Les nains étaient toujours de bonne humeur et ne rechignaient jamais devant une tâche ingrate. Guilleret et robuste travailleur, ils possédaient de grandes richesses qu'ils tiraient de leurs mines en dessous de la vallée. Leurs habitations troglodytes ressemblaient à de petits trous. Mais ce n'étaient pas des petits trous désagréables. Sans être d'allure somptueuse, leur logis n'en demeurait pas moins soigné. Holdor Valek était l'un de ceux-là, mais bien qu'il soit indéniablement un nain, sa ressemblance avec les autres membres de sa communauté s'arrêtait là. Dès qu'il considéra sa barbe tressée suffisamment fournie, il décida de délaisser le tablier de cuir traditionnel et le casque clouté de son clan pour arborer, sans retenue, une petite veste feutrée et un chapeau confectionné dans la même matière. Qu'il vente, qu'il pleuve ou que le soleil inonde la vallée, on pouvait l'apercevoir une loupe à la main, faisant des kilomètres à la recherche d'objets perdus. C'était un rêve de jeune nain qui se concrétisa vers l'âge honorable de 75 ans. Il serait enquêteur ou il ne s'appelait plus Holdor Valek. C'est ainsi que le petit apprenti détective entama sa nouvelle carrière, et chaque fois qu'il retrouvait un objet, son cœur bondissait de joie. Ce qui le réjouissait le plus, c'était la générosité des membres de son clan à son égard. Cela pouvait se traduire par des pièces d'or ou d'argent, en passant par des vêtements. Mais le plus souvent, les propriétaires étaient tellement heureux de revoir leurs biens qu'ils tendaient avec hardiesse un sac rempli de délicieuses victuailles à Holdor, qui avait la réputation d'être un redoutable bec fin. Et c'est en découvrant l'abondance des sourires s'afficher progressivement derrière toutes ces barbes qu'il se disait qu'aucune pierre au monde ne valait ce simple plaisir. Mais ces affaires, si fructueuses soient-elles, tournaient toujours au rythme des saisons. Décembre arriva rapidement et Holdor regardait souvent le ciel de la vallée des montagnes bleues en espérant que Vindalf le nain, envoyé par les dieux, soit en retard pour son éternelle besogne. Malheureusement, ses espoirs restaient vains et lui suffisait de coller son nez en forme de potimarron sur la vitre givrée de son hublot pour en être convaincu. Car la nature sereine se transformait et se drapait gracieusement de son manteau blanc. Elle entamait son cycle de longs songes hivernaux. Alors Holdor laissait échapper une suite de petits soupirs qui disparaissaient aussitôt dans sa longue barbe. Mécontent, il rajoutait en rouspétant à voix haute. « Parodin, ils sont tellement occupés à vaquer à leurs occupations qu'ils en oublient de perdre des choses. » L'hiver causait bien des contrariétés à ce pauvre Holdor. Tristement, il se mit de nouveau à soupirer bruyamment et s'éloigna du hublot. Il décida alors de se remonter le moral avec une bonne tasse de glu chaude. Il avait un sac bourré de gui séché suspendu par un petit crochet dans sa cuisine. Il passa devant son instrument de musique sans lui jeter le moindre regard. Même son âme de musicien s'était envolée. L'envie de jouer de l'enclume l'avait quitté. C'était comme si la neige avait enveloppé totalement son être avant d'inonder les terres opulentes de sa bien-aimée vallée. Tranquillement, il retourna au salon et, à l'aide d'une bonia, alluma sa cheminée, lorsque soudain, il perçut un vent glacial traverser la pièce et des pas. Figé par la peur, il fixa la porte dont le loquet avait pourtant été bien mis. Mais la voix familière qui s'adressa à lui dissipa toutes ses craintes comme par magie. « Parodin, ne serait-ce pas mon cher cousin Ludo ?» Les lutins aimaient faire des plaisanteries. Ludo, administrateur du souverain des neiges, ne dérogeait pas à cette règle. Bien au contraire, pitrerie, turlupinade, sottise, malice faisaient la réputation des lutins et de leur enjouement constant. Il n'y avait aucun doute possible, ces petits garnements étaient tombés dans la joyeuseté dès leur plus jeune âge. Pourtant, après les premières effusions de joie, Holdor remarqua qu'une ombre d'anxiété voilait le visage de Ludo. une expression qui ne s'était jamais manifestée chez lui auparavant et qui aiguisait terriblement la curiosité d'Oldor. Le nain réfréna les questions qui lui passaient par la tête et, avec convivialité, proposa au lutin une bonne tasse de glu. L'heure devait être grave pour que son cousin décide de se téléporter dans sa petite maisonnée. En général, les visites se faisaient régulièrement après décembre. Car il faut dire que ces petites créatures ne chômaient jamais. Prendre soin des rennes, garder le traîneau, établir la liste des cadeaux, n'omettre aucune lettre des enfants, afin que le souverain du royaume des neiges soit prêt le jour J. Un travail titanesque, dont les lutins s'acquittaient admirablement. Après deux gorgées de ce savoureux breuvage, Ludo décida d'éclairer son cousin sur cette visite impromptue. « J'ai besoin de tes services, mon cher Oldor, » dit enfin Ludo, qui avait du mal à rester quiet sur son palanquin. Oldor n'en croyait pas ses longues oreilles pointues. À son tour, nerveux, il faillit se lever, mais se retint et tenta de garder une attitude professionnelle. « Mais assurément, mon cher cousin, que puis-je faire pour toi ?»« Venir avec moi au royaume des neiges, sinon je suis perdu. » Puis il marqua une pause et ajouta « Nous sommes tous perdus. » Oldor regarda fixement Ludo. Quelque chose le préoccupait. C'était certain, sa tristesse et son désespoir n'étaient pas fins. Mais il voulait en savoir plus. Et puis, surtout, l'idée de partir l'effrayait un peu. Il n'avait jamais été plus loin que le mont Gundabad. Il le questionna de nouveau. « Est-ce si grave que cela ?»« Pire !»« Pire que grave !» ironisa Oldor. Après tout, Ludo n'avait peut-être pas renoncé aux blagues, mais ce dernier s'expliqua enfin. « Pire que grave, parce que j'ai égaré le cristal. » Oldor fronça les sourcils. « Je ne savais pas que tu collectionnais les minerais, toi aussi. » Ludo se leva et trépigna sur place. « Non, non et non, ce n'est pas mon cristal, mais celui de notre souverain. Et je l'ai lamentablement égaré. » Cette confidence, divulguée à voix haute, secoua le petit lutin, heureux de s'être enfin libéré d'un lourd secret. Cela faisait plusieurs jours déjà qu'il ne dormait plus. Épuisé, il s'effondra sur son palanquin. Oldor se précipita et le rassura. « Ne te mets pas dans cet état, Ludo. Je suis sûr qu'il y a un moyen de retrouver ce cristal. » Ludo renifla bruyamment et d'un air abattu continua. « Si je ne retrouve pas le cristal magique, il n'y aura plus jamais de Noël. »« Magique ! » s'exclama Oldor. Ludo écarta ses deux petites billes noires. « Évidemment, grâce au cristal, le souverain des neiges se multiplie et peut distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Son pouvoir n'opère qu'une seule nuit, celle du 24 décembre. J'en ai la garde et sa cachette change tous les ans. » « Et où était-il entreposé cette année ? » questionna Oldor. « Dans notre atelier, caché au fond d'une malle. » « Mais alors, tout le monde y avait accès, » dit Oldor. Ludo eut peur de comprendre l'allusion et rétorqua. « Je t'arrête, mon cousin. Il n'y a pas de brigands chez les lutins. Aucun d'entre eux n'aurait eu l'audace d'y toucher. » Oldor émit un petit sourire. Les nains étaient attirés par les pierres. Pourquoi les lutins dérogeraient-ils à cette règle ? Ne serait-ce que pour faire une farce. « Il y a un charme sur ce cristal. Il est uniquement visible aux yeux du souverain et de son gardien. » Le sourire d'Oldor s'estompa à l'annonciation de la réponse. « Je vois, cela complique les recherches. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela écarte définitivement les autres lutins comme suspects potentiels. » « Et le souverain des neiges, » ajouta Ludo. Oldor faillit lâcher une autre gausserie, mais s'abstint. L'instant était suffisamment grave. Il avait besoin de réfléchir. Son regard dériva dans la pièce jusqu'à ce que ses yeux trouvent l'objet qu'il convoitait. Sa pipe n'était pas très loin, posée sur la table. En la prenant entre ses doigts rondelets, il ne pouvait s'empêcher de penser que le temps jouait contre eux. Pour la première fois, Oldor n'était pas certain d'être à la hauteur. Les indices restaient minces. Et tout portait à croire que le cristal s'était volatilisé de l'atelier comme par enchantement. La magie est la clé de l'énigme, songea-t-il dans son for intérieur, en déposant le tabac dans le fourreau de sa pipe, soigneusement, pour ne pas trop le tasser. Son flair de détective ne se trompait jamais. Il tapa légèrement sur la tête de sa pipe, sans exercer de pression, et l'alluma. Bientôt, les cercles vaporeux flottèrent au-dessus de sa tête. Cette fauche était mystérieuse, mais pas inexplicable. Et une idée lui traversa l'esprit. Parfois, il suffisait qu'une fumée en dissipe une autre. Faisant face à Ludo, il lui demanda. « Qui, à l'exception du souverain et des lutins, possède des pouvoirs ?» Ludo se grattait la tête à la recherche d'une réponse convenable, mais visiblement, il était incapable d'en fournir une. Devant cet interminable silence, Holdor avança une autre question, même si cela devait choquer son cousin. « Votre souverain a-t-il des ennemis ?» Ludo semblait sincèrement offusqué. « Des ennemis, notre souverain ?» Le ton monta. « Je suis à son service depuis plus de 300 ans et je n'ai jamais été le témoin d'une querelle. » Mais soudain, sa bouche resta ouverte comme s'il se souvenait d'un événement. « Ludo, que se passe-t-il »« J'ai marre !» Holdor fronça les sourcils. « Qui est Gemar ?»« Nirdorch. » Apparemment, vu le ton employé par Ludo, ce n'était pas un compliment. Holdor classa ce dénommé Gemar automatiquement dans la catégorie des ennemis potentiels. Satisfait des premiers indices, l'enquête prenait tournure finalement. Gemar est l'assistant, enfin, je devrais dire, le pitoyable acolyte, du frère du souverain. Ils vivent en exilé dans notre village Arctos, aux confins des banquises et des glaciers. Pourquoi un tel éloignement? Parce que Krampus a juré la chute du règne de notre bien-aimé souverain. Il y a longtemps, ils œuvraient de concert. Notre souverain donnait des cadeaux aux enfants sages, et Krampus s'occupait des plus vilains. Mais un jour, ils eurent un terrible désaccord. Krampus s'en alla en compagnie de Gemar. Parfois, ce dernier vient nous rendre visite. Pourquoi ? Parce que Krampus est un sinistre personnage et qu'il le traite horriblement mal. La dernière fois qu'il est passé, il n'avait pas mangé depuis des jours. Holdor était horrifié et éprouvait de la pitié pour Gemar. Comment pouvait-on accepter d'être maltraité ainsi ? C'était incompréhensible. Krampus est malin. Il use de stratagèmes maléfiques et sait faire preuve de gentillesse lorsqu'elle peut lui servir. Il haussa les épaules avant de rajouter. Et Gemar en fait les frais. Nous avons tenté de le raisonner, mais nous n'avons jamais réussi. Même notre souverain n'y est pas parvenu. Si j'ai bien compris, Gemar est venu à l'atelier. Vous lui avez donné de quoi se sustenter, et il n'a touché à rien. Je crois, oui. Es-tu resté à côté de lui ? « Franchement, non. J'avais beaucoup trop de cadeaux à enrubanner. Je le regardais de temps en temps, mais je n'avais pas les yeux fixés sur lui. Tu penses que... » Holdor dondelina de la tête. « J'en suis certain. » Ludo ne comprenait pas. « Tu m'as bien dit que Krampus usait de maléfices, n'est-ce pas ?» Ludo fit un signe affirmatif. « Je pense qu'il a utilisé votre générosité envers Gemar pour mener à bien son méfait. »« Mais comment ?»« Grâce à ses maléfices. Ses pouvoirs doivent être immenses. Dommage qu'il ne les utilise pas pour faire le bien autour de lui. » Ludo soupira en guise d'approbation. « Mais alors, je dois prévenir notre souverain. Je n'ai pas perdu le cristal. » Ludo sauta de son palanquin et tourna autour, entamant une joyeuse danse. Ragaillardi, il se dressa droit comme un i et claqua des doigts. Holdor comprit, un peu tardivement, qu'il avait été le témoin d'une téléportation. Il croisa les bras, fort déçu de ne pas avoir été remercié, et surtout que son cousin ne lui adresse même pas un simple « au revoir ». Mais bientôt, ce dernier réapparut dans la pièce accompagné d'un vent glacial. Celui-là même qui avait causé tant de sueur froide à Holdor quelques heures auparavant. L'administrateur du souverain tenait dans ses mains une boîte enrubannée. Au-dessus, Holdor pouvait y lire son nom en lettrines nacrées. Ému, il articula. « C'est pour moi ?» Ludo avait retrouvé son enthousiasme d'antan et donna une accolade chaleureuse sur l'épaule de son cousin. « Bien sûr, grand Nigo, avec les remerciements du souverain des neiges et de ses lutins. Merci de ton aide. Sans toi, le cristal et Noël étaient perdus. Dis-moi, qu'est-il arrivé à Gemar et à Krampus ?»« Tout ce que je peux te dire, c'est que cette histoire a été l'histoire de trop. Krampus est banni du royaume et de ses environs pour un bon moment. » « Et Gemar ?»« Le souverain lui a accordé une seconde chance. Nous sommes prêts à l'accueillir parmi nous. C'est un des nôtres, après tout. » Holdor était satisfait d'avoir pu résoudre cette enquête. Finalement, cette année, l'hiver ne lui avait pas apporté que son lot de contrariétés. Qui sait, peut-être qu'un jour il parcourrait les vastes étendues de glace du pôle Nord. Il imaginait le village d'Arcos plongé entre le rêve et la réalité, avec sa surface lisse, baignant dans une lumière drapée, que le ciel polaire laissait filtrer, comme une bénédiction sur le sol givré. Son cadeau dans les bras, il se demandait ce que cela pouvait bien être. Un nouveau mystère, mais qui devra attendre le 25 décembre pour être résolu cette fois-ci.